Ndikomanyanga. À la cabine du son, je suis avec François Kimana. Bienvenue à cette actualité dont voici d'abord l'essentiel. Le gouvernement du Burundi est appelé à faire la nouvelle délimitation du périmètre du bureau de la présidence à Gasenyi, en commune Mutimbuzi, de telle sorte que l'activité soit définitive. Analyse d'Emery Noukouli, expert en matière foncière et enseignant d'université, après que le gouvernement a annoncé que le périmètre actuel de 560 hectares sera réduit. Le directeur général de la Régie des eaux tranquillise la population que dès aujourd'hui, il n'y aura plus rupture de l'électricité, mais il signale que les coupures du courant électrique observées ces jours-ci sont dues au réseau vétuste, mais qui sont en cours de réhabilitation. Albert Manigomba l'a dit ce mardi au cours d'une conférence de presse. 64% des fertilisants de type urée sont déjà approvisionnés dans la province de Makamba durant cette saison culturelle en cours. Mais certains agriculteurs qui ne sont pas encore approvisionnés en ces fertilisants grognent et que leurs champs sont déjà en état critique suite à ce retard. Et la chronique parlera sur moi de ce mercredi porté sur les médias sociaux qui peuvent servir de canal de diffusion de discours de haine car ils offrent un espace d'expression plus libre pour les gens qui ne sont pas facilement identifiables. Bienvenue à cette actualité. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, dit que le périmètre foncier autour de la résidence présidentielle se trouvant à Gasenyi, commune Mutimbuzi, province Bujumbura, a été réduit lors de l'émission publique le 27 décembre de l'année dernière. Il a annoncé que là où devait être érigé le palais présidentiel n'est plus considéré, expliquant qu'après investigation, il a été constaté que le palais de Kiridi a été construit dans un domaine public. Suivez le président de la République dans cette traduction de Claude Niyomukit. En ce qui concerne les propriétés foncières situées autour de la présidence Kwantare, c'est un espace qui doit être protégé en premier lieu. Mais aussi, on avait l'intention d'y ériger le palais présidentiel. Mais par après, nous avons mené des investigations qui ont révélé que la place abritant le palais présidentiel de Kiriri revient à l'État. Nous avons choisi que le palais présidentiel demeure à Kiriri. On y a déjà érigé la salle des conférences et on est en train de faire l'extension du palais. Après avoir constaté qu'à Kiriri, il y a un espace suffisant, on a jugé bon de réduire le périmètre destiné à la présidence depuis la rivière jusqu'à l'endroit en train d'être viabilisé au-dessus de la route, pour enfin y construire d'autres bureaux abritant les services détachés de la présidence. Les bénéficiaires de ces propriétés foncières recevront en contrepartie les parcelles situées à Gishingano qui étaient aussi réservées à la construction du palais. On va délimiter pour que les occupants non concernés par le périmètre puissent vaquer à leurs activités tout en gérant parallèlement la question de sécurité de la présidence. Cela veut dire que ceux qui seront indemnisés seront peu nombreux. À ce sujet, les habitants vivant sur les 160 hectares près de la résidence présidentielle située sur la colline Gasenyi dans la commune de Mutimbuzi ont exprimé leur satisfaction face à la décision du président de la République de la nouvelle délimitation de la résidence présidentielle. Cependant, il demande au comité chargé de ce projet d'accélérer la mise en œuvre des engagements pris et de veiller à ce que les personnes concernées par cette décision reçoivent rapidement des indemnisations, bien qu'ils estiment que ces compensations sont insuffisantes. Ils sollicitent également le gouvernement pour qu'il viabilise cet espace afin de permettre aux personnes ayant les moyens de construire dans cette zone suivante. Nous avons apprécié positivement cette mesure du président de la République concernant la nouvelle délimitation. Ça faisait longtemps vraiment. Cette fois-ci, on vient de nous libérer car on va déterminer les 160 hectares qui délimite le palais présidentiel. Et pour le reste, ceux qui ont des moyens vont construire leurs propriétés. Auparavant, on se demandait comment allons-nous vivre alors qu'on nous a interdit d'y faire toute activité. Maintenant, c'est bon vraiment. Je suis contente parce que je ne suis pas concernée. Il y a ceux qui seront trop délocalisés. Moi, avec ma famille, nous resterons ici. Et c'est une bonne mesure. Je pense qu'on va viabiliser cet espace et ça sera une bonne chose. C'est vraiment appréciable. Nous remercions le président de la République qui a pris cette mesure de la nouvelle orientation de la délimitation des 160 hectares depuis la route nationale numéro 1 jusqu'à la rivière Gasseigne. Alors, nous demandons à ce comité chargé de ce projet d'accélérer la mise en exécution des engagements pris en respectant le délai d'un mois, qu'il respecte cette échéance. Nous souhaitons que ceux qui seront redélocalisés, qu'ils y soient rapidement indemnisés, même si la somme sur un art est très réduite par rapport à la situation du moment. On va donner 5 millions par art, alors qu'en achetant le même espace coûte 30 millions. Qu'ils exécutent cette mesure du chef d'État, ça nous enchantera. Ceux qui auront les moyens construiront des maisons dans un espace viabilisé. Toujours à ce sujet, le gouvernement du Burundi est appelé à faire la nouvelle délimitation du périmètre du bureau de la présidence à Gasenyi, en commune Mutimbuzi, de telle sorte que l'activité soit définitive. Analyse d'un expert en matière foncière et enseignant d'université, après que le gouvernement a annoncé que le périmètre actuel de 560 hectares sera réduit. Docteur Emery Nukuri trouve aussi que les précisions devraient déterminer les indemnités qui doivent être préalables, indiquant que le manque de planification reste toujours un défi qui hante ce secteur. Suivez-le au micro d'Alain Désiré Boukenet. Je pense que la volonté du président est tout à fait sage. J'espère qu'elle sera suivie des faits. Pourquoi ? Parce que la délimitation du palais a été caractérisée par, à mon avis, l'absence de planification et des décisions liées à l'hésitation. Pourquoi ? D'abord, on délimite le palais à 40 hectares et on paye les indemnisations. Ensuite, on ajoute 160 hectares. Ensuite, 225 hectares sur le site de Gasseigne. Vous conviendrez avec moi qu'il y a eu un problème de planification. Problème de planification, mais aussi les indemnisations avaient toujours posé problème. Est-ce que ces indemnisations seront aisées avec la nouvelle délimitation selon vous? Je dis que c'est un problème de planification. Pourquoi? Nous sommes dans le système du budget programme, même avant, ça veut dire quand on projette de faire une expropriation. On projette aussi dans le budget le montant prévu pour l'indemnisation. Vous conviendrez avec moi que les années qui ont passé, les indemnisations n'ont pas été programmées. On espère vraiment qu'avec le nouveau budget, on fasse une délimitation et en même temps, on programme dans le budget de l'année prochaine le budget pour l'indemnisation. Comme ça, on saura qu'il y aura une expropriation pour l'année budgétaire 2025-2026 et il y aura des indemnités dans le budget. Et les indemnisations viennent avant ou c'est après que les populations ont déjà quitté? Le code est clair. Ça veut dire qu'il doit y avoir une indemnisation préalable. C'est pourquoi j'ai utilisé le mot planification. On a mis en place un décret sur les indemnisations. Est-ce que ce qui est prévu reste toujours juste? Mais le code foncier du Burundi parle à l'article 411 qu'il doit y avoir une indemnisation juste et préalable. Et même la Constitution, à son article 36, parle de l'indemnité juste et préalable. Et le décret sur le montant des indemnités, il parle d'une base de négociation. À une certaine période, on avait interdit aux propriétaires se trouvant dans le périmètre de ne plus faire aucune construction. Quel sera alors le sort des dégâts dans ces circonstances? Je suis juriste, mais je parle de planification. L'idéal serait que dans la planification, on sache dans telle commune, dans telle province, quelle est la facilité qui serait là. dans le périmètre du palais, je pense qu'il est sage vraiment de prévoir une délimitation qui tient compte des constructions. Pourquoi? Parce qu'il y aura une perte à deux niveaux. Il y a l'État qui va indemniser pour la terre. Il y a l'État qui va aussi indemniser pour les constructions qui vont être détruites. Isanganiro. La régie de production et distribution d'eau et de l'électricité régie des eaux annonce que la production en énergie électrique est suffisante dans le pays. Jean-Albert Manigomba, directeur général de cette régie, l'a dit dans une conférence à tranquilliser la population que dès aujourd'hui, il n'y aura plus rupture de l'électricité. Il signale également que les coupures du courant électrique observées sont dues au réseau vétuste, mais qui sont en cours de réhabilitation. Il réagit après les lamentations de certains habitants de la ville de Bujumbura, disant que dans ces jours, ils n'ont pas assez de problèmes avec l'électricité. Suivez-le. Concernant la production en électricité, vraiment, on peut dire que la production vraiment est très suffisante parce que maintenant, la production est supérieure à la demande. Et maintenant même que je vous parle, on peut dire que Gwegura passe toute la journée à l'arrêt parce que la demande est très petite. Maintenant, à chaque jour, nous avons des réserves tournantes à peu près à 30 MW. Je tranquillise la population alors que pour l'électricité, vraiment, il n'y aura plus de manque d'énergie. Car bientôt aussi, on va injecter l'énergie en provenance de Djidji Mulembwe. Djidji Mulembwe, c'est à peu près 50 MW. Avec l'injection de l'énergie en provenance de Rusumo Force et de Kabou 16, maintenant la production est supérieure à la demande. C'est pourquoi j'invite la population à bien utiliser l'énergie, même commencer à utiliser des cuisinières électriques. Parce que nous avons vraiment de l'énergie en quantité 6 ans. Et tu peux me poser une question, vous dites qu'il y a de la quantité suffisante, mais on voit là où il y a, dans cet quartier, il y a des ruptures. Il faut différencier les choses. Pour avoir de l'énergie à la maison, il y a la production, il y a le transport, il y a aussi la distribution. C'est-à-dire, si parmi les trois points, il y a un problème, le client ne peut pas avoir de l'énergie. C'est-à-dire quoi? S'il n'a pas de la production, le client ne peut pas avoir de l'énergie. S'il y a un problème dans le transport, le client ne peut pas avoir de l'énergie. S'il y a un problème dans la distribution, c'est le même cas, le client ne peut pas avoir de l'énergie. Alors, maintenant, nous avons un problème concernant la distribution parce que le réseau est très vétuste. On rencontre souvent des pannes causées par la vétusté de nos réseaux. C'est pourquoi, dans si peu de jours, on va commencer le projet de réhabilitation, densification, extension et renforcement de notre réseau de Bujumbura, mais aussi à l'intérieur du pays. Les propos ont été recueillis par Jean-Marie Mayonga, Cap-sur-Bururi, où certaines routes du chef-lieu de cette province, dont les tronçons menant vers le building abritant le cabinet du gouverneur de cette province, qui était goudronné, sont impraticables. Suite au nid de poule, les usagers de ces routes demandent qu'elles soient réhabilitées. Au niveau du cabinet du gouverneur de cette province, l'on indique que la demande pour la reconstruction de ces routes a été déjà formulée. Le détail avec Zeno Zabiman. Du monument de l'indépendance du Burundi situé près du bureau communal de Bururi vers le building abritant le cabinet du gouverneur de la province de Bururi, tout ce tronçon est impraticable parce que plein de nids de poules, de même que le tronçon passe par le mess des officiers de Bururi et celui menant vers le bureau de l'antenne provinciale du ministère de la fonction publique depuis toujours ce monument de l'indépendance du Burundi. Alors que tous ces tronçons étaient goudronnés, on dirait qu'ils n'ont jamais été bitumés, de même que la route passe par l'hôpital régional de Bururi. D'autres routes impraticable au chef-lieu de la province de Bururi, mais qui était construite en terre, sont celles menant vers le parc et le tribunal de grande instance de Bururi et celles ceinturant le marché de Bururi. C'est au moment où la population de Bururi essaie tous les samedis la remise en état de praticabilité de ces tronçons pendant les travaux de développement communautaire, mais sans succès suite aux eaux de pluie qui se déversent toujours dans ces routes. Les conducteurs des véhicules usagés de ces tronçons impraticables grognent que leurs véhicules tombent souvent en panne suite à l'impraticabilité de ces routes et demande qu'elle soit réhabilitée. Giovanna Ikeza, chef de cabinet du gouverneur de la province de Bururi, indique que cette demande a été déjà transmise au ministère ayant les infrastructures dans ses attributions. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. De Bururi, Cap sur Makamba, où 64% des fertilisants de type urée sont déjà approvisionnés dans cette province durant cette saison culturelle en cours. Certains de la population qui ne sont pas encore approvisionnés en ces fertilisants grognent que leurs champs sont déjà en état critique suite au retard de ces fertilisants et demandent que ces derniers soient disponibles à temps. Le gouverneur de la province Makamba recommande aux administratifs et dans les communes d'établir des listes des agriculteurs non encore bénéficiaires de ces fertilisants et ayant au moins un demi-hectare de champs de plantes afin de leur donner une certaine quantité moyennant leur demande pour ne pas perdre énormément de temps avec les équités. Certains de ces agriculteurs de la province Makamba n'ayant pas encore eu leur fertilisant de type urée pour la saison culturelle A, se plaignent du manque de ces fertilisants. Ceux qui disposent de moyens ont utilisé des fertilisants achetés dans les boutiques à un prix élevé d'au moins 5 000 francs burundais par kilogramme et d'autres attendent à présent ceux de l'entreprise FOMI. Certains de leurs champs de maïs sont déjà en état critique et le rendement sera faible, indique-t-il. Il demande que ces fertilisants soient disponibilisés à temps. Lors de la réunion de sécurité de ce mardi dans la commune Makamba, l'agronome communal Charles Nahimana a tranquillisé la population et les encourage de payer l'avance pour les fertilisants de la saison culturelle B. Le gouverneur de la province Makamba, Tantine Nchutina Magara, recommande aux administratifs, en collaboration avec les agronomes communaux, de dresser les listes des agriculteurs ayant au moins un demi-hectare qui n'ont pas encore eu ces fertilisants afin qu'ils bénéficient quelques quantités selon leurs commandes pour que la perte ne soit pas énorme. Le directeur provincial de l'environnement, l'agriculture et l'élevage indique que jusqu'à ce mercredi, la province de Makamba est déjà approvisionnée en ces fertilisants de type urée pour la saison culturelle A de 64%, soit 1305.1 tonnes sur la commande de 2038.125 tonnes. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'actualité continue sur Isanganiro. Parlons page commerce à présent. La zone Kinindo a été approvisionnée par la société sucrière du Mosso en plus de 16 tonnes de sucre vendredi de la semaine passée. Et le suivi de la distribution est assuré par l'administration. Affirmation de patience Itangishaka, chef de zone Kinindo, qui explique que la distribution se fait le soir chaque jour, réserver la place de commercialisation de cette denrée aux grossistes fournis par la Sosumo et la stratégie optée par cette administration zonale pour faire face à la spéculation. À ce sujet, l'association des consommateurs du Burundi à Buko demande à la société sucrière du Mosso Sosumo de porter à la connaissance des consommateurs du sucre la quantité du sucre distribué ces jours-ci. Le président de cette association, Pierre Ndouayo, le dit suite à des lamentations disant que le sucre de la Sosumo n'est pas disponible sur le marché. Il souhaite que la Sosumo communique les défis liés à cette pénurie du sucre produit par cette société sucrière du Mosso. On n'a pas encore eu les précisions du directeur général de la Sosumo à ce sujet. Parle, rassure-moi. Les médias sociaux peuvent servir de canal de diffusion de discours de haine car ils offrent un espace d'expression plus libre pour les gens qui ne sont pas facilement identifiables. Ceci conduit malheureusement à des mésententes et du fait que la société en général ne parvient pas à reconnaître la vraie ou la fausse information selon certains utilisateurs des réseaux sociaux. Les raisons politiques où les blessures du passé en sont les principales causes, comme le témoigne Acher Nionidiguié, expert en leadership. Pour lui, le mieux serait plutôt d'aider les gens à bien comprendre les conséquences de tels agissements. Francine Ndihukugayo nous en dit plus. Les utilisateurs des réseaux sociaux affirment que les discours de haine sont proférés via certains commentaires postés. Claude Nkurunziza et Dacia Munezero s'expriment. Nous sommes toujours en arrière par rapport à l'éducation, aux médias. Je ne crois pas que la population puisse comprendre bien, savoir que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux n'est pas vrai. Il y a des personnes qui croient que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça sur Facebook, j'ai vu ça sur YouTube. Des gens croient que c'est vrai. Donc, en certains moments, ça peut bouger et aller sur le réel. Parce que les gens qui lisent, qui écoutent, qui regardent, ce sont des gens, ce sont des personnes qui ont une certaine conception de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils lisent. Le fait que ce soit des humains qui ont été touchés par l'histoire, ça peut quitter le côté virtuel, venir sur le côté réel. C'est un espace ouvert à tout le monde, là, qui ont de la rancœur, qui ont de la haine, qui sont blessés intérieurement, vont aller se défouler, si je peux ainsi dire, pour justement enlever de leur cœur ou se confier, tout simplement, on va dire. Se confier, mais malheureusement, se confier d'une manière négative parce que, justement, ils ne vont utiliser que des messages de haine ou des injures envers d'autres personnes avec qui ils ne partagent pas les mêmes avis. L'expert en leadership HR Nyon Edzigeye explique que les raisons politiques ou le passé douloureux sont derrière ces comportements, d'où des violences peuvent se répéter. La première raison, c'est l'affiliation politique. On est en train de défendre un point de vue politique, un courant politique ou un groupe politique parce qu'on veut montrer que c'est nous qui avons été victimes. Donc, c'est nous qui avons le droit de parler de ces choses-là. Mais d'autre part, je soupçonne qu'il y a aussi des gens qui ont leurs propres blessures, leurs propres traumatismes et qui expriment ce qu'ils ressentent honnêtement, parce que à partir de ce qu'ils ont subi au cours de leur vie, ce sont des gens qui sont là, qui ont des émotions, qui ont des pensées et qui ont des familles, qui ont des amis. Donc, à partir de ces échanges sur les réseaux sociaux, il est très possible de basculer et de nous retrouver avec les mêmes divisions au sein de la population. Par ailleurs, ils n'ont pas appris cela sur les réseaux sociaux. Ils vivent avec ça tout le temps. Pour Hugues Safadi, la mise en place des lois interdisant les appels à la haine pourrait permettre de réduire ces messages. Si vous regardez Twitter actuellement en janvier 2025, même avant, un peu avant juin 2024, il y a plusieurs comptes anonymes qui sont venus sur Twitter. Et ils sont au taquet de chaque commentaire, de chaque tweet, et ils sont là à répondre. Et ils ont un même langage. Faisons une introspection. Les réseaux sociaux ne sont pas là pour tout dire. Reconnaissons que nous, les Burundais, nous sommes déjà hantés par quelque chose de politiquement mauvais, et qu'à chaque fois, j'ai une tendance à voir du mal envers l'autre. À l'inverse, si je vois mon compagnon ou mon collègue, ou s'il est en train de proférer des messages de haine, soyons aptes, ayons le courage de le dire, de le mentionner. Et si on laisse couler sur les réseaux, s'il n'y a pas des gens qui viennent et qui disent « ça c'est mauvais, tu es en train de mal faire, si tu fais ça à longueur de journée, ça va être ta seconde nature, c'est normal que... » Je ne saurais même pas si je suis en train de proférer des messages de haine. Pour l'expert en leadership, la modération des contenus permettrait d'y faire passer des messages qui amènent les membres de la société à bâtir ensemble une nation pacifique. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndzikumana. Bonne suite des programmes sur les zones de la radio Sanganiso.